arriver. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Good afternoon, Toronto. Listen to Supercation here on CHRY 105.5 FM. My name is Mathieu. I'm going to be with you until the end of the hour. I'll fix that volume there. I'll be with you until the end of the hour playing some French language punk, ska, and hardcore. I got some new stuff this week by the band Brutal Chérie. It's also, we're going to start kicking off the 10 days. It's T-minus 10 days until CHRY's fundraising period starts. So start collecting your pennies. Check under those comfortable couch cushions and return all your empties to the beer store. It's time for you to help support CHRY. We're going to come into you for support over the next few weeks, so stay tuned for that. Keep on listening. It's going to be a great show, so tune in. C'était Larsen avec la chanson Larsen ici à Sous Pression, que l'émission de punk rock francophone que vous écoutez aux ondes du CHRY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM à Yellowknife. Moi je m'appelle Mathieu, je suis avec vous jusqu'à la fin de l'heure, je vais jouer du punk, du ska, du hardcore, tout en français. Et ça va être une bonne émission. J'ai du nouveau matériel par le groupe Brutal Chérie de leur album Cours ou Crève. C'est un nouvel album qui est sorti récemment. Je vais vous faire jouer ça un peu plus tard dans l'émission. Mais avant de continuer, juste annoncer que la période de financement, la campagne de financement de CHRY va commencer, commence le 10 octobre, alors dans 10 jours. Alors, c'est juste un petit rappel de vous préparer, de collectionner vos sous, retourner vos bouteilles vides pour un remboursement. Parce que c'est le temps de l'année, la semaine, c'est la semaine pendant laquelle ici à CHRY, on demande au public, aux auditeurs, aux auditrices de contribuer, faire une petite contribution financière pour aider à soutenir l'émission. Ben, pas seulement l'émission Sous Pression, mais la station de radio CHRY. On est une station de radio communautaire et étudiante, financée en partie par les étudiants et les étudiantes de l'Université York, ici à Toronto, mais aussi par la communauté. Et on a besoin de vos sous pour continuer à diffuser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours, journée par année. Et de vous offrir, et on a besoin aussi de votre financement, de votre appui pour continuer à vous offrir la programmation communautaire et la programmation alternative qu'on n'a pas la chance d'entendre sur les radios commerciales ici dans le Canada ou ailleurs. Alors, je vais continuer avec une prochaine chanson par Gerbia de leur, je pense, leur premier album, Pilado au bûcher. Et je vais faire jouer la chanson Citizen Pilado, un hommage à Carl Pilado, qui c'est le propriétaire de Québécois, la compagnie médiatique au Québec, et qui appartient aussi des compagnies médiatiques à l'extérieur du Québec, dans le Canada anglais. Entre autres Sun News, et je dédie cette chanson à M. Pilado et à Sun News, la chaîne de télévision et de journaux de la droite, très conservatrice, xénophobe, c'est anti-immigrant de droite. Et je vais faire jouer cette chanson-là aussi parce que j'ai vu que le Sun News était ici au campus de l'Université York, juste en dessous de nous. Nous aussi, à CHRY, on est au quatrième étage du centre étudiant. Et en ce moment, les Sun News sont au troisième étage, dessous de nous. Ils sont là en train de filmer le Maple Tour, alors la tournée organisée par du monde qui ont participé dans la grève étudiante à Québec. Je suis certain, vous pouvez vous garantir que ils vont pas avoir grand chose de positif à dire sur le mouvement étudiant au Québec qui a réussi à se débarrasser de Jean Charest, le premier ministre, mais aussi qui a réussi à annuler la hausse des frais de scolarité. Alors voici du Gerbia, Pilado au bûcher, ici à Sous Pression. We'll be right back. Salut, vous écoutez toujours Sous Pression, nous avons le CHRY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM à Yellowknife. Pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, je m'appelle Mathieu, je suis avec vous jusqu'à la fin de l'heure. Je vous fais jouer du punk, du ska et du hardcore, tout en français. Dans le dernier bloc, on a commencé avec une chanson par Gerbia, la chanson « Cédicine Pilado ». Tiré de leur album Pilado ou Bûcher. La gâchette après ça de leur album Ne renoncera pas, la chanson Les médias. Et on vient de terminer avec Impact, la chanson Les pieds de vent de leur tiré de leur EP Coupable. Alors, on va continuer en musique. Je me suis acheté récemment un album par le groupe Brutal Chéri. C'est un groupe, je crois, qui vient de Montréal, qui a sorti un album très récemment. L'album s'appelle Cours ou Crève. Alors, si je ne me trompe pas, c'est leur premier album. En tout cas, c'est la première fois que j'en entends parler du groupe. C'est le premier album que je connais du groupe. C'est un bon album. Ça vaut bien la peine d'écouter, sorti sur le label L'Écurie. Je crois que, si je ne me trompe pas, le chanteur de Vulgaire Machin faisait partie du groupe, mais est plus membre du groupe. D'une façon ou d'une autre, il était impliqué avec le groupe. Il a joué un peu de guitare sur l'album. Je vais vous faire jouer le 10e morceau de l'album, la chanson Le Vide. C'est quand même cool, c'est un bon album. C'est ce qui m'a bien surpris, parce que j'avais pas entendu parler du groupe avant la sortie de l'album. Alors, j'étais bien content de pouvoir découvrir le groupe et l'album et de vous le présenter. Alors, c'est ça, je vais vous faire jouer le 10e morceau de l'album Brutal Chéri. L'album Cours ou Crève par Brutal Chéri. La chanson s'appelle Le Vide et voici le groupe Brutal Chéri et c'est à Sous Pression. Ça va être l'été. Ça fait que là je me mets poche. Dans les duels au centre-ville. Vous écoutez Sous Pression, zone Seychelles Grec 105.5 FM à Toronto et CVR 103.5 FM à Yellowknife. On vient d'écouter Le Doute par la fraction de leur album éponyme sorti en 98. Ça fait déjà quand même assez longtemps. Mais le groupe La Fraction existe depuis de plusieurs années. Et je crois qu'ils sont toujours ensemble. J'ai pas une nouvelle que ce soit pas séparés, mais c'est en tout cas, je pense que ça fait depuis 96. Ils ont sorti leur premier LP. Alors ça fait longtemps, ça fait plusieurs années. Ça fait 16 ans depuis ça. C'est quand même long pour un groupe de punk. Les groupes de punk n'ont pas souvent des longues vies. Alors 16 ans et peut-être plus, c'est longtemps. Alors félicitations à la fraction. Parce que c'est un excellent groupe. Avant ça, c'était Désert culturel, la chanson Allons enfants de leur album Plus d'espoir que de haine. Du Nez à feu, avant ça, la chanson Pit de sable de leur album Lendemain de veille. Pour les pas fiables, cette chanson-là, le groupe vient toujours de sortir un clip. Ils ont tourné un clip pour la chanson Pit de sable. C'est un peu un hommage à leur scène d'enfance, à leur adolescence. Le groupe, je crois qu'il vient de Rouyn-Noranda. Alors, j'imagine que le clip a été tourné à Rouyn-Noranda. Pardon, j'ai la misère à parler aujourd'hui. J'ai pas vraiment dormi hier soir. J'ai aucune idée pourquoi, mais j'ai pas fait plus que 4 heures de sommeil. Alors, l'émission, c'est pas mon meilleur cette semaine, et je m'excuse. Mais la chanson de Pit de sable de Nez à feu, je vais en parler parce qu'en parlant de sommeil, c'est vraiment bizarre. Je suis jamais allé, je connais pas Rouyn-Noranda, et dans la chanson aussi, il parle de Iberville. Je suis jamais allé à Iberville non plus, mais dans la chanson, il parle d'une émeute à Iberville. Je sais pas si on a déjà eu une émeute là-bas, mais j'ai dû un soir avoir écouté la chanson avant de me coucher parce que j'ai fait un rêve que j'étais à Iberville et qu'il y avait eu une émeute. Parce que le concert de Aerosmith avait été annulé. Je sais pas si je me suis levé, je me suis réveillé, je me suis dit, qu'est-ce que je viens de rêver là? C'est vraiment bizarre. Mais c'est ce que mon cerveau a produit pendant la soirée parce que j'ai dû avoir écouté la chanson de Nez à feu parce que dans mon rêve, il y avait eu une émeute à Iberville parce que Aerosmith avait annulé leur concert. Je sais pas pourquoi Aerosmith, mais c'est mon cerveau qui essaie peut-être de me faire un message que je devrais écouter plus d'Aerosmith. Ou faire plus de meute, je sais pas. Alors, en tout cas, avant Nez à feu, c'est Brutal Chérie, la chanson Le Vide, leur album Cours ou Crève. C'est l'album que je viens tout juste de me procurer récemment. C'est un excellent album. J'espère que vous avez aimé la chanson. Si vous voulez plus d'informations sur le groupe, faites une recherche sur l'Internet. Je crois qu'il y a un site Bandcamp. Sinon, leur label, c'est L'Écurie. Vous pouvez trouver plus d'informations là-dessus sur leur site. Alors, avant de continuer, je vais faire un rappel que l'émission Sous Pression, le site web, c'est le www.souspression.wordpress.com, le souspression.wordpress.com. Vous pouvez écouter l'émission à partir du site web ainsi que le télécharger l'émission et l'amener avec vous, mettre sur votre lecteur MP3 comme vous voulez. On met aussi la liste des chansons sur le site web ainsi que parfois des nouvelles sur ce qui se passe dans le monde du punk, du ska, du hardcore francophone. On est aussi sur Facebook, c'est le facebook.com/sous-pression. facebook.com/sous-pression. Si vous faites une recherche pour Sous Pression CHL Grec 105.5 FM, vous allez trouver ça. Si vous êtes sur Facebook, vous pouvez aimer l'émission. On met aussi là des nouvelles concernant des groupes qui font sortir des clips ou des albums. C'est des albums qui sont disponibles en ligne, vous pouvez trouver ça, on va mettre ça sur le site Facebook. Si vous avez des commentaires, des demandes spéciales, des plaintes, comme n'importe quoi, si vous faites partie d'un groupe, vous voulez partager votre musique, ou s'il y a un groupe que vous connaissez que vous n'entendez pas aux ondes de Sous Pression, envoyez-nous un courriel souspression@chry.fm. souspression@chry.fm et on s'arrangera, on parlera de ça et on s'arrangera. Avant de continuer en musique, je vais faire jouer une chanson de Jeunesse Apatride. Je vais faire un petit rappel, comme j'ai mentionné au début de l'émission, que la campagne de financement de CHR Grec, ça l'achève, ça commence le 10 octobre. Et c'est la période de c'est une semaine ou, je pense, 7 à 10 jours pendant l'année où on vous demande, vous, le public, les auditeurs, les auditrices, de nous appuyer, de nous faire des contributions financières pour aider la station à continuer, à pouvoir continuer à diffuser, à continuer à vous fournir avec de la programmation alternative, la programmation qu'on n'entend pas à la radio commerciale. Parce que CHR Grec, c'est pas comme les radios qu'on entend en ondes. c'est les grandes radios commerciales. On vit pas des annonces publicitaires, on vit vraiment les contributions financières que vous faites une fois par année pendant la campagne de financement. Et on vit aussi, bien sûr, comme on est situé sur le campus sur le campus de l'Université York, on vit aussi de financement de la population étudiante, mais on compte vraiment sur vous. C'est la seule fois de l'année où on vous demande de nous aider, faire une petite contribution pour aider CHRY à continuer de diffuser. Et moi, cette année, et l'année passée, j'avais offert à tous ceux et celles qui faisaient un don de 20$ ou plus, je vous avais offert une compilation de chansons que vous entendez par des groupes que vous entendez aux ondes de sous pression. Je vais faire la même chose cette année, c'est la même compilation, mais il reste encore des copies de l'année passée. Alors je vous offrirai ça cette année si vous faites un don de 20$ ou plus, ou de 20€ ou plus si vous voulez, parce que vous pouvez faire un don. Je vais sur l'internet, je vais créer, comme l'année passée, je vais créer un site où vous pouvez faire un petit don à travers l'internet avec vos cartes bancaires, vos cartes de crédit, Visa, Mastercard, et on s'arrangera avec ça pour vous envoyer le CD si vous faites une commande de l'extérieur de la région torontoise. En tout cas, c'est ça, j'en ai parlé dans les quelques prochaines semaines, mais si vous êtes sur Facebook, visitez le site Facebook de Sous-Pression ou le site web Sous-Pression pour plus d'informations concernant le financement et les façons dans lesquelles vous pouvez nous aider. Alors c'est ça, je vais continuer en musique avec Jeunesse à Patrie de la chanson La Victoire Sommet. C'est le premier numéro de série de leur album du même titre, La Victoire Sommet, sorti je pense en 2005 sur le label Fire and Flames. Un excellent album, alors voici de Jeunesse à Patrie ici à Sous-Pression. Mon nouveau immersion noir, c'est profondeur. extrême de te poser les égouts. Faut que je respire. Je veux te dire, y'a plus de toi et moi. Et si je dois partir, c'est pour me reconstruire. Mais sans vie ailleurs, enfin me retrouver. Tu as fait mon malheur, je ne peux plus t'aimer. De mon existence, en toi j'ai plus confiance. Y'a pas de renaissance. Avec toi, j'ai perdu mon temps. notre confrérie. La raya des sans-patries. Pas besoin de cérémonie. C'est le destin qui nous choisit. C'était Crève-Cœur, la chanson Tambour battant Spartakids, ici à sous pression. Cette chanson-là tirée de leur album L'Aube se lève toujours, un groupe que j'aime bien, Crève-Cœur, que j'ai souvent fait jouer depuis que, en ondes ici à sous pression, depuis que je me suis procuré l'album il y a quelques... ça fait quelques mois maintenant. Avant ça, c'était Les Parias avec Toi, mon pote, tiré de l'album La Nuit des Lombiers du Ayoka. Avant ça, avec Avant l'orage de leur plus récent album, Avant État des lieux. Du Barbie Génocide avant ça avec Fascisme. Billy Boots avec Dégage. Et on a commencé le dernier bloc avec Jeunesse Patrick de la chanson La Victoire Sommeil, tirée de l'album du même nom. Alors, je vous laisse maintenant avec une dernière chanson. Il faut jouer du Molodoy, la chanson Toujours Ensemble de leur album Royaume de la Jeunesse. Un hymne à la solidarité. Et il en faut toujours plus de solidarité, jamais moins, toujours plus. Alors, si je vous fais jouer ça. Et nous autres, on se revoit la semaine prochaine. Visitez le souspression.wordpress.com pour plus d'informations concernant l'émission et bien sûr la campagne de levée de fonds, la période de financement de la station. Vous allez trouver plus d'informations si vous voulez appuyer et aider Sous Pression et CHRY à continuer à diffuser. Visitez le site web pour plus d'informations. Nous autres, on se revoit la semaine prochaine. Alors, au revoir. Je vous laisse avec ce bon morceau par Molodoy. Toujours ensemble, à Sous Pression. Pas un homme.